pas clinical. Les gros d'un castor. Escale 91, RKMS, MDP, YK, NoCP, mes acolytes, racketteurs, bagarreurs, alcooliques. Île-de-France, banlieue, on est tous piégés comme un colis. Rien à piger à part savoir comment faire le blé. Le prendre sans demander s'il te plaît. Car la lutte est sans merci, sans pitié ni pardon. Ici tu trouves du shit partout. Je suis un chien de la casse qui fuck Brigitte Bardot. C'est pour ma voyeucratie, pour SOS racisme, pour mon Wesson Smith, ainsi que pour les jolies miss. 9-1 là où je réside, là où on taffe la récive. Mauvais signe, tu veux tester ton arrêtine. Pas le bon genre, pas bon chic, bon genre. Pas le sourire quand je dis bonjour. Le peloton d'exécution quand t'entends on joue. J'ai le profil du coupable, couleur tout bab, tout pâle. Rien à battre, de split, faut que je parle d'escalade. Anti-brassard, mec, caillasse, les et basta. Mon passe-temps c'est être poissard et j'aime pas ça. Tu peux me trouver partout, dans les plans partout. Faut qu'Ardisson, qui sert, c'est dans la rue qu'ils en parlent. Qui sert, et qui est Jack Daniels, faut que ça dure ça. Comme durer ça, demande à Hulk, mon écrit. Tu es sale, j'suis H24 vénère. Mais nique sa mère, pour faire la thune, j'suis pas de nature vénard. Kayassa sur le beat pour un son qui casse des briques. Truc de fou comme un keuf qui break ou un backpack qui casse les briques. Bébé, c'est les rats au CB, c'est l'effet d'un obus. Tu t'affiches comme un blanc qui met du fub illégal. Mais j'veux faire des sous clean. Tu veux test, oublie, c'est du suicide. Comme crier fuck Biggie en plein Brooklyn. Le micro, c'est mon linge de weed. Faut que j'fasse des thunes vite. 2006, ça y est, les carottes sont cuites. Ici, trop de bâtards sont pas réglo. De quoi devenir cinglé. Moi, j'vise le paradis, mais j'ai trop de comptes à régler. Rap calcium, rap agressif, MDB prod avec le logo banlieue agressif sur le suisse. Tu sais, je vis qui c'est que les barres keuf en chien de frisky. C'est ceux qui sucent comme Monica Lewinsky. Mec, je vais skiller Helki. Les trous de balles, les salons, j'esquive les trous de balles sur mon headskin. Demande à mes sauces pour prendre l'oseille, faut oser. On veut tous la faire à l'envers comme Kaiser Soze. À part insulter, mettre la barre sur le thé, je crache mes saletés en qualité. Les meufs aiment faire des saltos dans mon LIT. Si peu de moralité, je m'en tiens qu'à ma réalité. Trop ici, on l'idée de se marié à la mort. Ici y'a des kings et des halki, des bons dealers et des sales flics. Quand les portes débarquent, branche les taki walki. Je vis dans la mer, chouette longue vie à ma mère. Ici y'a trop de vautours, mon seul choix à ce jour c'est que la roue tourne. La roue tourne, fuck, ya, qui sert, arrobas, hotmail.com. Nikoumouk, Nikoumouk, haha, LAMS, la famille, OCP, qui sert, Spike, Chino. Tu connais, c'est la carte, mon pote, le pisto, HULK, choc du cartonnerre, la carte, meurt, on se rend pas, genre, ok. Impact lyrical, impact lyrical, qui sait, c'est les rats, c'est les rats.